Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le numéro 49 du mag, un numéro daté du 21 juin 2016. Cette semaine, comme d'habitude, nous ferons ensemble le tour d'horizon des news comics VO et VF, mais aussi de l'actu des adaptations télé et ciné de comics. Nous vous parlerons du comics de la semaine en VF qui est Bloodshot Reborn tome 1 chez Bliss Comics. Et puis, après le générique, comme vous en avez pris l'habitude depuis quelques semaines, on vous parlera des comics VO de la semaine, les comics Rebirth. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 49e numéro du mag. Et cette semaine avec moi, bon, comme presque toutes les semaines, Arnaud. Salut. Et Clément. Salut. Bien, on va commencer le programme comme d'habitude. Évidemment, après le générique, vous aurez droit aux 5 avis de ce que j'ai lu de Rebirth cette semaine, parce qu'il y avait 5 numéros cette semaine. Et il y en a un, franchement, il nous ferait presque regretter les New 52. Enfin bref. Arrête quand même. On regardera ça pour après, on va faire un petit peu de suspense. Voilà pour aujourd'hui. Allez, du côté de la télé, on aurait pu vous parler de quoi? De Charlie Cox qui pose en photo entouré de dizaines, peut-être même de centaines de figurines pop d'Ardeville qu'il va distribuer aux enfants malades. Vous avez vu cette photo? Ouais. Monsieur a demandé des figurines à Funko qui lui en a envoyé plusieurs cartons visiblement. D'accord. On aurait pu vous parler également des plusieurs morts qui ont été tournées pour The Walking Dead, saison 7. Pour entretenir le mystère autour de Negan jusqu'au bout. Et puis après tout, ça, parce que ça peut sans doute être pratique pour faire des trailers. C'est ça. Et de AMC qui a annoncé qu'il engagera des poursuites légales en cas de fuite de l'information. Bah tu m'étonnes. Et ils n'ont pas aussi... Non, je sais plus si on l'avait dit qu'ils ont décidé de tourner la saison dans le désordre. Ah non, je savais pas. Je suis passé à côté. J'ai vu ça, apparemment ils ont décidé de tourner la saison dans le désordre justement pour empêcher les fuites. D'accord, je suis même pas sûr que... Enfin, en même temps, ils diffusent souvent je les choses un peu pense. dans le désordre, ils font des allers-retours parfois dans le passé et tout. Ouais. On aurait pu vous parler de deux nouveaux personnages dans Arrow saison 5, Wild Dog et Vigilante. D'accord. Ouais. Faut bien remplacer ceux qui partent. C'est ça. Mais on a choisi de vous parler d'abord de Supergirl qui a trouvé son cousin. Ça y est, elle a casté son cousin chez les loups-garous de MTV. Puisque Arnaud, le nouveau Superman pour la télé est... Tyler O'Klin, si ça se prononce comme ça. Ouais, je crois, ouais. Et donc oui, qu'on a vu chez Teen Wolf dans les premières saisons. Ouais. Et donc oui, il va jouer bah dans toutes les saisons Superman. Parce que là, hein, il était dans les 5. Hein. Et t'es pas absent de la dernière? Non, je crois qu'il a fait la 5e et qu'il a annoncé qu'il ne ferait pas la suivante. Et maintenant, c'est pourquoi. D'accord. Et donc oui, bah il va jouer Superman. Mais est-ce qu'il jouera Kal-El? Oh bah sans doute. Sans doute. On va voir. Surtout avec la fin de saison. Donc l'acteur qui a annoncé... Qui ne voulait pas se comparer à Henry Cavill, qui faisait quelque chose de différent, que le média était différent, etc., etc., etc. Ouais. Ça, c'est sûr. Ah, tu n'as donc pas l'air convaincu par le choix de l'acteur? Non, puisque pour moi, déjà, il est trop jeune. Il est censé avoir dans les 35 ans. Bah, il a le même âge que Mélissa Benoît. Ouais, mais je ne sais pas quel âge elle a, Mélissa Benoît. 27, 28. Sauf qu'il est censé, dans la série, Superman est censé avoir plus de 30, 35 ans. C'est ça, il aura 28 ans, 29 ans en septembre. Il a voilà, donc il paraît un peu jeune. Mm-hmm. Puis je sais pas, j'ai du mal à le visualiser dans le rôle. Bon, après, c'est aussi tellement un personnage, c'est un personnage tellement iconique avec son costume et qui a été joué par de nombreux comédiens, c'est peut-être difficile de l'imaginer avoir d'une part en costume et en action. Mais je sais pas, je suis pas super convaincu. Et toi, Clément, Tyler, comme dirait Calista Flockhart, ça sent bien le casting CW. Moi, franchement, ça me fait ni chaud ni froid, quoi. Enfin, pour le moment, je regarde pas la série et enfin, j'attends de voir, mais honnêtement, je m'en fous un peu, quoi. D'accord. Concrètement, c'est un peu ça. Alors moi, quand j'ai vu le nom, j'étais hyper surpris. Je me suis dit, waouh, ouais. Enfin, je voyais pas le projet là. Et puis en y réfléchissant, finalement, je me dis, il pourrait plutôt bien porter le costume. Il a vraiment un visage avec mâchoire carrée, etc. Assez. Ouais, pourquoi pas. Après, j'aurais beaucoup de mal à m'en départir. À me départir de, bah, de Teen Wolf, de ce qu'il a fait dans Teen Wolf, puisque du coup. Justement, comme c'est un personnage tellement iconique, j'aurais préféré un inconnu. Newcomer, Ouais. ouais, newcomer, ouais. Après, j'ai été, voilà. J'aurais du mal à me départir de ce qu'il a fait dans Teen Wolf. Et je sais pas. Et c'est peut-être le seul truc qui me gêne là, comme ça, avant, mais après tout, avec un peu de stylisme et compagnie, ça peut changer. Mais je trouve qu'il a un visage très sombre, très sévère, en fait, très. Ouais, c'est pas faux. Il passerait Pas plus pour faux. un méchant que pour vraiment voilà, Superman qui est hyper doux, hyper Bah, lumineux. après, faut voir. Moi, j'attends Après, sur. c'est comme ça qu'il jouait son personnage dans Teen Wolf. Oui, aussi, quoi, je suis aussi habitué à ça, donc Donc, il y a sans doute ça. peut-être que rasé et tout, finalement, hein, voilà. Ouais, puis après, enfin, c'est con, mais moi, j'attends de voir la gueule du costard, quoi. Enfin, du costume. Ça va peut-être. Bah, ça va ressembler à ce que Supergirl porte. Hein. Oui, sûrement. Mais j'attends de Sais pas si voir. ce Quoi. qu'elle a fait son costume avec une partie des restes de Superman, apparemment. Ouais, je sais plus du Une coup. Voilà, histoire comme ça. ça sera très très classique. Hein. Ouais, mais bon. C'est. Bon, en tout Ouais. cas, Ce à sera plus voir. bleu que gris dans l'univers ciné. On sera fixé de toute manière très bientôt, et on sait même quand on sera fixé. Tiens, Clément, puisque la Oui. CW a annoncé les dates des retours de toutes ces séries. C'est ça. The Flash fera son retour pour le début de sa saison 3 le 4 octobre. Suivi de Arrow qui reviendra le 5 octobre. Legends of Tomorrow la semaine suivante le 13 octobre. Et Supergirl la semaine suivante le 17 octobre. Voilà. Ce Donc. qui, je pense, annonce une saison plus courte que les autres. De quoi? Peut-être, Pour Supergirl. ou moins de pause. Oui. Mais je pense plus une saison moins courte. Parce qu'ils ont récupéré Supergirl quand même assez tard, donc il a peut-être fallu un peu Ouais. plus de temps pour travailler sur l'écriture, etc. Donc peut-être que ces 2 semaines aussi sont utiles. À voir, hein. Peut-être, ouais. À voir de toute façon. Mais bon. En tout cas, Mais voilà, on sait qu'à partir de la semaine du 17 octobre, on est parti pour chaque semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi. c'est ça. Mais je me Non. posais une question. Pas pour Legends moi. of Tomorrow, c'est toujours sur une saison Courte. de combien d'épisodes? Ils n'ont pas annoncé Ça n'a pas le été dit. chiffre, Ça mais n'a pas été dit. parce Ce que sera court aussi. franchement, j'espère que ça va pas être une saison de 21 épisodes parce Non, que. non, ils ont annoncé que ce serait des saisons courtes chaque année. Ah Je bah ouais, souligne même pas. j'espère. Ils n'ont pas annoncé un Enfin, moi, j'ai chiffre survécu précis. qu'à 3 épisodes de la première saison, donc je vois mal le reste. J'imagine que ce sera autour des 16 aussi, comme pour la première. Ouais, bah espérons. Enfin, déjà, fallait Ouais. réussir à se les coltiner les 16. Il y a Ouais. eu cette semaine une pseudo-annonce hein, d'un crossover JSA Flash Arrow. Ah. Donc, voilà, bon, ça, ils commencent hein, Ouais. forcément à faire leur promo Forcément. et tout. San Diego arrive, on devrait avoir pas mal aussi de Mais petites putain, ils ont infos, des annoncé petits un teasers. crossover Flash Arrow Supergirl Legends of Ouais, Tomorrow. voilà, bah, peut-être même un autre du coup, avec que les 3 séries liées à la JSA à suivre. Ouais. Allez, du côté des comics en VF, Urban nous a appris quelque chose de plutôt sympa, Arnaud, cette semaine. Ouais, comme ils ont annoncé en fait il y a plusieurs semaines que le tome combien? 5 ou 6 de saga? 6. 6. 6, qui devait sortir normalement fin juin, début juillet. Et qui va être une tuerie totale. Ah ouais? Parce que je l'ai lu en VO, donc Voilà, il voilà. comptait me faire son petit teasing. À ce point? Et bah c'est saga de toute façon, on sait Oui, mais c'est forcément ça. saga. Mais. Bon, continuons Et avec du Arnaud. coup, sauf que l'album a été repoussé de plusieurs Ouais. mois à Ah septembre, bon? octobre. Oh. Ouais, Ouais. septembre, je Pour crois. des retards d'impression, il me semble. C'est une histoire comme ça. Et du coup, pour quand même, comment dire, pour faire patienter les fans jusqu'à cette nouvelle date, Urban va offrir le premier épisode de ce sixième tome, donc le Saga 31, gratuitement dans un petit floppy Oui, un petit version single, quoi, Sweetlock. un single papier, quoi, un single en VF. Voilà, donc en librairie, gratuitement. Donc le Saga 31, et en plus de ça, de celui-ci, ils vont offrir le Paper Girls numéro 1, qui est censé également sortir à la même période, en octobre. Et donc ces deux-là sortiront le 24 juin, donc ce vendredi. Voilà, donc deux numéros, alors que vous vous en êtes pas rendu compte, mais j'ai fait un aller-retour jusqu'à mon étagère pour chercher le Urban Previews numéro 2, où effectivement, j'en étais sûr, le numéro 31 de Saga est déjà dedans. Ah bon? Voilà. D'accord. J'étais à peu près sûr qu'il était dedans parce que je voyais Gus sur la cover du Urban Previews. Et effectivement, le Saga numéro 31 est déjà dedans, donc voilà, c'est pas compliqué pour eux de le réimprimer. Ouais. C'est sûr. Mais c'est bien de le proposer comme ça en tout seul et en gratuit du coup, parce que Urban Previews est payant même s'il n'est pas cher. Ouais. Voilà. Ça peut paraître surprenant comme ça d'offrir un numéro 31 d'une série. Ouais, bah c'est vraiment pour. Mais il y a Ouais. quand même une espèce de nouveau départ qui se lance. Oui, bah oui, je veux. Avec le numéro Enfin. 31 et un petit saut dans le temps comme on en fait parfois. Enfin voilà, il y a quelques. Oui, bah de toute manière, vu la. Vu la De fin, mémoire, une vu la chance. fin du volume Voilà. 5, 5. on pouvait s'y attendre. Ouais, donc voilà, à découvrir un tome intéressant, voilà, avec deux trois choses qui plairont à Arnaud au niveau teasing. Enfin, je sais que Arnaud sera content de voir Gus beaucoup plus présent dans le tome 6. Oui, Je mais me j'ai souviens lu plus les qui c'est. premiers. C'est Bah, qui, Gus? C'est C'est mon le avatar. petit phoque, le petit, ouais, c'est un petit Ah phoque, ouais, un oui! Ah, petit. il est Mon trop bien, avatar, ça me fait lui! peur. Voilà, une petite créature toute mignonne, Ah toute mignonne. oui! Voilà. Ah oui, j'adore Gus. Non, mais ça Là. surpasse pas Voilà. le Blood Job Dragon. Non, mais Là, c'est pas le même on est niveau. dans la mignonnerie, là, si tu veux, Ah on n'est bah pas dans oui! le dégueulasse. Mais bon, on connaît tes préférences. Ah bah Voilà. oui! On sait bien que voilà. Mais Mais c'est des trucs de mignon. t'inquiète pas, tu auras ton petit moment de bonheur aussi dans le sixième. J'ai hâte. Voilà, allez, en octobre, Panini nous annonçait quoi? Ils nous ont annoncé la toute première intégrale consacrée au personnage de Doctor Strange, avec les épisodes de Doctor Strange, donc de la série Strange Tales, de Stan Lee et Steve Ditko. Donc voilà, le film arrive, donc forcément, on va nous sortir des archives de Doctor Strange, Forcément. Et sans évidemment. doute une anthologie. On aura aussi un Marvel Dark consacré à Strange par Straczynski, qui est un peu une version origine moderne du personnage. On aura sans doute une anthologie juste Doctor Strange, même s'il n'y a pas grand-chose. Voilà. Peut-être que ça va être un peu difficile de rassembler autant d'épisodes, mais bon, pourquoi pas. On aura aussi le tome 1 de Doctor Strange, la série actuelle, qui sort actuellement chez Marvel, qui est pas mal du tout. Mais moi, j'en attends juste une, en fait, qui est toujours pas annoncée, c'est The Oath. Pour le moment, rien. De quoi? The Oath de Brian Kevogan. Ah oui. Pour le moment pas annoncé, mais bon, je mets ma pièce sur un petit Deluxe. Voilà. Bon bah voilà pour les news VF de la semaine. Le comics VF maintenant de la semaine. On continue l'exploration des premières publications Bliss Comics et on va vous parler après The Valiant la semaine dernière de Bloodshot Reborn. Toujours sans spoiler. Donc Clément, tu peux écouter sans problème. Merci. Bloodshot Reborn, qui est scénarisé par Jeff Lemire, dessiné par Miko Soyon, Raoul Allen. Il y a aussi David Baron qui travaille sur ce tome, que tu as lu aussi, Arnaud, Oui. et que tu vas nous pitcher, puisque ce sera toi maintenant le monsieur pitch. Là, ça va être compliqué de pitcher sans spoiler Oh. de Valiant, mais je vais faire en sorte. Donc oui, comme on disait la semaine dernière, c'est la suite directe de The C'est marqué dès la première page, hein. Valiant. Oui. Et donc, à la suite de ce qui se passe, comment Bloodshot part. Dans une sorte Un petit road d'exploration, trip, ouais. ouais, un road trip qui est en même temps une exploration intérieure, disons. Et il va, sauf que les problèmes sont jamais loin, il Ben va non. tomber sur des imitateurs, disons, sans rentrer dans les détails, qui copient un peu qui ont l'air d'être d'autres Bloodshot, et qui, eux, ne font pas le bien, mais font plutôt du mal à la population, et donc il va enquêter là-dessus et essayer de remonter les traces de cette histoire et en même temps de son passé. Voilà. Bah écoute, tu t'en es plutôt bien tiré, hein, sans Voilà, spoil. finalement ça Voilà. va. Bon, franchement, tu connais pas du tout le personnage de Bloodshot, Clément. Absolument pas, Bon. j'attends toujours de Donc, pour les lecteurs qui connaissent parler Bloodshot de et lui. qui n'ont pas encore lu The Valiant, je vais juste vous dire un petit peu en une phrase comment je peux résumer ça. C'est et si on donnait à Bloodshot ce dont il rêve le plus depuis toujours, enfin si on lui donnait ce qu'il voulait le plus au monde, est-ce que finalement ce serait si bien que ça? D'accord. Voilà. Mais comme tu sais pas ce qu'ils veulent plus au monde. C'est ça. D'accord, bah ça. Ceux qui connaissent le personnage, voilà, ça doute un petit peu de sur quoi ça peut tendre, mais voilà, et du coup, Et ce personnage-là, excuse-moi de te couper, on le découvre dans The Valiant. Oui. non, on le découvre avant, il y avait une série Bloodshot depuis le début Oui. de l'univers Valiant, là que ça a été relancé en Mais quand tu 2012, 13, commences je crois. l'univers Valiant avec Bliss, oui, tu le découvres Ah, dans The d'accord, Valiant. Ok. Voilà. Mais il y avait au moins 5-6 TP de Bloodshot avant, hein, au moins. D'accord. Parce que moi j'en ai déjà 4. Donc ouais. Bloodshot, bah, pour le présenter un petit peu, parce que du coup là ça va pas te spoiler du tout, Bloodshot c'est tout simplement une personne dont on ne connaît pas l'identité, qui a des nanites en lui. Donc plein de plein enfin des millions de minuscules robots à taille nanoscopique qui lui permettent de se régénérer. Quoi D'accord. qu'il lui arrive, à partir du moment où il y a encore une cellule Bloodshot de lui qui est en vie, il va se régénérer. Donc il est un peu invincible entre guillemets, enfin voilà. Et en fait, il a des souvenirs de sa vie passée, et on s'aperçoit dans le tout premier TP, donc il y a 4 ans maintenant au moins, hein, on s'aperçoit en fait que ses souvenirs sont faux, que c'est des souvenirs qui sont injectés en lui via les nanites notamment, par le projet Rising Spirit qui gère le projet Bloodshot. Et du coup, bah, il va un peu se rebeller, va se rebeller face à eux et essayer de faire tomber tout ça, machin, tout ça. Voilà, parce que bah, il va découvrir qu'il est trahi, en fait, tout simplement, que tout ce qu'il croyait être sa vie, bah, en fait, non, c'est pas sa vie, c'est des choses qui ont été injectées et ce qui ont été injectées plusieurs fois, puisqu'il a été rebooté entre guillemets plusieurs fois. Enfin voilà. D'accord, ça a l'air sympa. Donc voilà, et il va se passer quelque chose dans The Valiant qui va relancer la machine. Voilà, Jeff Lemire a relancé la machine dans The Valiant et il reprend le scénario là, dans Bloodshot Reborn. Et il est toujours sur Bloodshot Reborn hein, maintenant en VO. Hein, D'accord. il continue avec un personnage qui a l'air de bien aimer et puis qui traite plutôt super bien. L'émir, quoi. Enfin, Oui. je sais pas toi Arnaud ce que t'en as pensé, mais c'est quand même. Moi, j'ai adoré, j'ai C'est dévoré. quand même du haut niveau, quoi. Graphiquement, c'est à tomber. Tout comme déjà les thèses de Valiant, hein, enfin vraiment, voilà, Ouais, là, je l'ai pas eu. C'est vrai, graphiquement, ça a l'air super Valiant aux beau. USA, enfin voilà, a quand même réussi à mettre la main sur des artistes pour certains jeunes et plutôt inconnus, mais qui se révèlent être, à mon avis, de futures grandes stars. Et là, ça ne manque pas avec Bloodshot Reborn, voilà, on a vraiment du très très haut niveau en dessin. Bah, c'est vrai que les noms, je les connais pas. À part l'émir, le reste. Bah, Miko Soyan, je le connaissais parce que je l'avais vu sur Harbinger déjà. Ouais. Donc avant, mais après, oui, effectivement, les autres, on peut comprendre que tu les connaisses pas. Ouais, non, mais c'est enfin même enfin, celui tu disais là, Miko Soyan, je ne connaissais absolument pas. Clairement, moi, ce qui m'a fait prendre ce bouquin, bah déjà, c'est le nom de Jeff Lemire, parce que c'est clairement l'un des scénaristes que je préfère, si ce n'est peut-être le scénariste que je préfère. Et parce que, bah, à force de que vous me dites, lisez Lee Valiant, c'est trop bien. Donc, Et puis 10 euros. oui, Voilà, aussi, c'est surtout. aussi l'argument qui marche hein, du côté de Bliss. Hein, voilà, Tom est à 10 euros, les couvertures rigides, on l'a déjà dit la semaine dernière. Super bonne Un qualité, bouquin bien ça. conçu, voilà, qui tient le choc. Enfin voilà, pas de problème. Pas de problème. Voilà, donc lisez évidemment Bloodshot Reborn. On va pas vous spoiler plus que ça. Enfin, j'ai un peu peur qu'en donnant notre avis un peu plus loin, on vous spoil. Donc voilà, c'est excellent, c'est à lire. Jeff Lemire maîtrise super bien le personnage, relance vraiment le truc et le côté un peu road movie. Moi, m'a beaucoup plu dans ce premier tome, qui s'appelle Colorado. Voilà pour les comics VF. Allez, on va passer à la suite. La suite, c'est quoi? C'est le cinéma. On est à 45 jours aujourd'hui du film, hein, parce qu'on enregistre le 19 juin. Et on a eu cette semaine un nouveau poster pour Suicide Squad. Qui est dégueulasse. Ah, que tu trouves dégueulasse? Ah, je l'ai pas Oui. vu. Ouais. Je le trouve trop coloré, il y a trop de détails dans tous les sens. Je l'ai pas vu Il est du trop tout. fourni, je trouve. Ben, disons que depuis le trailer Bohemian Rhapsody, on va l'appeler comme Ouais. ça, ils ont vraiment pris un tournant hyper ouais, coloré fluo. Hein. Ah, je viens de le voir. Ouais, c'est comment Mais dire? il m'a pas dégoûté. Enfin, il m'a pas. Non, c'est particulier. C'est Ça me plaît particulier. moyen. C'est à mi-chemin entre le dessin, la peinture, les photos, etc. Ah, c'est ouais, c'est bizarre. Bah, Voilà. tu sens que le. Enfin, je pense, j'imagine, j'espère que ça va, comment dire, que ça retranscrit l'ambiance du film. Ah, moi, j'ai peur que ce soit hyper mensonger. Mais ouais, mais Oui, parce que je moi repensais à ce que tu aussi. avais dit il y a quelques mois, que quand même on avait eu deux bandes annonces et les tons des bandes annonces étaient quand même bien différents. Moi, j'ai vraiment très très peur qu'ils aient orienté Et leur com suite au succès de Deadpool en disant ouais. bah, nous on a Harley Quinn, etc. Nous aussi on peut être coloré, pop, Mais drôle et machin et tout ça. Et moi, j'ai vraiment vraiment peur que ce soit hyper mensonger. oui, c'est ouais, Ça je risque. c'est ouais, tu oui, c'est On très saura vite, hein, partagé. 45 jours avant le film. Enfin, vous le saurez vite. Toi, tu vas pas aller le Et voir. puis vous me direz. Hein. Et puis j'irai le voir si vraiment tous les retours sont excellents et que Ouais, voilà. tu vas le faire encore. Je l'ai pas vu, je l'ai pas Ah vu, oh, mais en non, fait. non, bon, non. Puis en plus, en plein été, enfin, ouais, mon boulot, moi j'ai pas le temps, hein, de toute façon, d'aller voir des films d'été. Donc, Voilà, c'est ce qu'il dit. voilà. Ben, vous verrez. Ou alors, tu iras avec ton boulot. Oh non. Ça m'étonnerait quand vous avez dit ça. C'est un travail où j'ai des missions éducatives. Ouais, donc. Donc, pas ça. Allez, Donald Glover et Martin Starr qui rejoignent Spider-Man Homecoming. Ok. Et tout de suite, la toile qui s'enflamme autour de Donald Glover et de Miles Morales. Mais non. Ce dont, franchement, je ne suis pas sûr. Moi non plus. Mais déjà, il est trop vieux pour jouer le personnage. Et puis, je vois pas Marvel mettre Marvel Studios Sony mettre Miles Morales dans le film, live action, alors qu'il est annoncé pour le film animé de l'année prochaine. De l'année suivante. Ça n'a pas été confirmé pour le film d'animation, mais mettre les deux en même temps, non. Je pense pas. Ça surtout dans le premier film d'un reboot. Ouais, non, pas. Non, non. Mais le tournage, il a commencé ou pas? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Et parce que le film est censé sortir dans moins d'un an, c'est ça? Dans un an. Oui, donc ils sont dans le temps, là. Ils vont devraient commencer pas tarder. Et puis... Ouais, à la rentrée, je pense. Et puis voilà. Dans la série, j'ai des envies et je les exprime tout fort pour que les studios m'entendent. Evan Peters veut un film Deadpool Quicksilver. Mais tu peux aller toujours. Tu peux rêver. Toujours attendre. Je pense que voilà. Je pense que mon gars, à mon avis, tu peux attendre. Il a de l'espoir. Ne serait-ce que niveau temporalité, déjà, tu peux attendre longtemps. La chronologie des films, ça va pas. Enfin, je sais pas s'il a vu Deadpool, mais ça se passe plutôt pas à la même époque que les films auxquels il participe. On sait que du côté de la Fox, ça a pas l'air de trop poser problème. Hein, c'est pas faux. Ça se passe à quelle époque, en fait 80 pour le Days of Future Past et 70 pour Days of Future Past et 83 pour le dernier Apocalypse. Ah oui, 80. Ah oui, puis du coup, Deadpool. Deadpool, c'est actuel. Ne serait-ce que par la présence d'Hello Kitty et de choses comme la mention du film d'une lanterne et de choses comme ça, tu sais que c'est actuel. Oui, c'est insupportable. Et il est important, puis Taylor Swift, tout ça, enfin les noms dans la Deadpool, enfin voilà. Mais non, mais j'avais pas capté. Donc bah écoute, voilà. Certes, la Fox, voilà, n'a pas l'air de se soucier de ce genre de choses, mais quand même. Ou alors ils font encore un petit fuck à la timeline et puis. Peut-être. Mais non, franchement, non. Non, ça n'a pas d'intérêt. Bah, c'est ça. Le tournage de Guardians of the Galaxy Volume 2 est bouclé. Youpi. Voilà. Et on va terminer avec un tweet de Box Office Mojo qui nous reporte que le box office nord-américain pour Batman v Superman est maintenant définitif puisque le film a quitté les écrans et le score final au box office domestique est donc de $330,360,000. Et Box Office Mojo nous précise la alors moi je trouve que la petite phrase à la fin du message c'est voilà, c'est l'ultimate troll, puisqu'ils nous disent 50% vient du week-end d'ouverture. Ouais, en gros, échec pour DC. Voilà. Donc, film qui finit. Enfin, moi, je trouve que ce qui est quand même le plus, et ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans nos conversations en primaire, je trouve le plus symptomatique pour ce film-là, c'est sur le sol américain de finir derrière Deadpool. Oui, ouais. Voilà. Pour moi, ça, c'est le symbole même de l'échec commercial du film sur le sol américain. Ah oui, c'est un échec commercial et critique. Ah bah, critique, on n'en parle pas, mais commercial, voilà. Là, critique, à mon avis, c'est pas avec ce qu'ils appellent la Ultimate Edition qui vont... Voilà, on ne parlera pas de l'Ultimate Edition, hein. On a eu des choses cette semaine qui sont sorties, notamment concernant Jenna Malone, voilà. Ça mérite même pas qu'on en fasse mention. Allez, on va passer au ciné. Bah non, ciné, on vient de le faire. On va passer au comics VO. Comics VO, deux choses. Le Halloween Comic Fest. Alors, je sais pas si tout le monde connaît bien le Halloween Comic Fest. C'est très Le Halloween Comic Fest, c'est un peu le FCBD d'Halloween. Ouais. Tout simplement. Et le Halloween donc Comic Fest a dévoilé cette semaine les titres qui seront offerts dans les comic shops donc le 9 octobre, le 29 octobre. Tu vas être content, il y a du Archie. bien sûr, mais il y a toujours du Archie. Tu vas être content. Voilà. On va dire un petit peu les plus importants. Effectivement, Afterlife with Archie Season 2, donc ça sera offert parmi les titres de celui-là. Vous avez mentionné My Little Pony, c'est ça? Ouais. Oui, on aura un My Little Pony The Haunted Dungeon. Donjon hanté. Et ça, franchement, ça fait rêver. qu'est-ce que vous relevez également? Spidey 1. Spidey numéro 1, la série Spider-Man pour enfants. Enfin, plutôt destiné jeune public. Moi, je note Arrow County numéro 1, dont le premier tome vient de sortir chez Glénat. Ça sort chez Dark Horse, donc ils sortent le numéro 1. Et c'est plutôt deux saisons avec le Halloween Comic Fest, contrairement à DC Super Hero Girls. Mais ils en parlent tellement en ce moment. Oui, voilà. Donc ils offriront le numéro 1. Je me demande à quel point ça serait pas le même que le FCBD, mais bon, après. T'as quand même été un comics Pokémon, quand même. Oui. Par Viz Media. Oui, FCBD. Ouais, Pokémon Pocket Comics XY. Alors en fait voilà, la spécificité du Halloween Comic Fest, c'est qu'on a des full size comics, donc des comics en taille single normale, hein, qui se récupèrent à l'unité. Et puis on a des mini comics qui s'achètent par pack de 25. En D'accord. fait. Et en fait, c'est le concept, c'est tu vas dans ton comic shop, t'achètes un pack d'un des mini comics, et au lieu de donner des bonbons, ou en même temps que tu donnes des bonbons aux enfants qui frappent à ta porte, et ben tu leur mets un mini comics. Ah, c'est sympa. Voilà, c'est ça un peu l'idée qui est Ah, c'est derrière ça. cool. C'est d'offrir de la BD au lieu d'offrir que des bonbons et des trucs comme ça. Donc moi je trouve ça c'est plutôt sympa. Ah, c'est sympa. Et donc du coup voilà, c'est par lot de 25 que tu les achètes ces mini comics. Et donc dans le lot évidemment on a du Pokémon, on a du Archie. Archie's Madhouse, on a le Halloween Special 2016 comme d'habitude par Boombox. Tous les ans, ils font un petit mini spécial Halloween. Donc voilà, on a des choses sur les zombies, enfin voilà, plein de choses bien bien bien liées à tout ça, et même un Unbeatable Squirrel Girl qui est dans le ton parce que ça fait quand même peur. Voilà pour le Halloween Comic Fest que vous pouvez aller voir sur halloweencomicfest.com. Et puis pour terminer, juste en bref, le véritable titre de la future grande saga de Spider-Man qu'on connaissait sous le nom de Code Dead No More. Vous nous avez fait une grande frise, rappelez-vous, avec plein de personnages morts de l'histoire de Spider-Man qui revenaient à la vie. À commencer par Oncle Ben, Gwen Stacy et plein de personnages comme ça. On nous a révélé cette semaine le vrai titre de Dead No More, ou en tout cas le sous-titre, on ne sait pas trop, mais en tout cas un autre titre. Voilà. Donc on ne vous révélera pas là parce qu'il est très spoilant. Vous avez sûrement vu sur Internet. Ouais. Allez chercher sur Internet si vous voulez le savoir. On a le vrai titre qui a été dévoilé, qui est très spoilant, mais qui pourrait bien, voilà, Expliquer révéler quelque chose. peut-être quelque chose concernant le sous-titre apporté à Marvel Now, puisqu'on sait que Marvel Now revient à cet automne, enfin en septembre, et le sous-titre de Marvel Now 2016, c'est You thought you knew the whole story. Donc vous pensiez connaître l'histoire entière. Voilà. Donc genre, il y a des secrets qu'on va nous révéler. Des choses qu'on nous a menti. D'accord. On nous a menti, en fait. Voilà. Ça sent la grosse solution de facilité pour Marvel, mais bon. Voilà. Est-ce que Marvel va faire ce qu'ils avaient promis de faire avec Original Sin, c'est-à-dire nous révéler des secrets? On attend toujours. Hein. Tout comme qu'est-ce qu'on a dit à Thor dans son oreille? Dans Original Sin, voilà, ça va faire 2 ans et on ne le sait toujours pas. Ça a quand même provoqué le fait qu'il abandonne son marteau. Enfin, qu'il n'était plus worthy. Donc, bref. Important quand même. Voilà, mais c'est pas grave. C'est comme les 8 mois après Secret Wars. Allez, les prochains rendez-vous du côté de Comic Story dans podcast. Alors, les prochains rendez-vous, c'est Gotham saison 2. Le montage a pris un peu de retard parce qu'on avait quelques petits soucis de connexion avec Léo en enregistrant cette émission. Donc, vous aurez bien votre troisième épisode de la trilogie du bonheur. Ça, il n'y a pas de problème. Il arrive. En attendant, savourez Arrow, savourez Legends of Tomorrow qui est sorti vendredi soir. Voilà, faites-vous plaisir. D'ailleurs, ça a l'air de vous plaire, hein, parce que vous êtes assez nombreux à les écouter, ceux-ci. Alors, je sais pas si c'est une espèce de, comment dire, de côté malsain, pour savoir à quel point on va dire du mal, ou je ne sais pas, mais en tout cas, vous êtes nombreux à écouter ces deux-là. Après Gotham saison 2, vous aurez droit à un débrief de Supergirl saison 1 et Stanley's Lucky Man saison 1, qui ont été eux aussi décalés un petit peu dans le temps, à cause du report de Gotham, entre autres. Et puis vous aurez droit toujours évidemment au bilan de saison 2015-2016 qui sera tout début juillet. Et on vous met en ligne dès aujourd'hui, mardi ou peut-être même hier lundi, enfin allez voir sur comicstories.fr, la question qui nous permettra d'établir votre classement des séries. On vous demande vos 5 séries préférées parmi une liste de 20 et les 5 plus mauvaises selon vous parmi la même liste de 20 séries plus ou moins connectées aux comics. Voilà. Prochain mag, eh ben non pas le 21 juin parce que c'est aujourd'hui, mais le 28 juin, ce sera le numéro 50. Voilà, comme ça, toutes les émissions vont passer le numéro 50. Et puis, petit instant prostitution habituelle, n'hésitez pas à aller nous retrouver sur iTunes pour nous mettre, je sais pas, 5 étoiles, par exemple. Pas mal, c'est un beau chiffre. Oui. Avec un commentaire plein d'amour. Hein, aussi. Laissez-nous également des mails, redac@comicstories.fr. Le Facebook, le Twitter sont également à vous si vous voulez nous adresser des commentaires sur les émissions, sur l'actu, des comics aussi, sur vos lectures. Voilà. N'hésitez pas, on retranscrira évidemment tout ça. Si vous ne voulez pas être spoilé sur les comics VO de la semaine, les comics DC Rebirth, vous pouvez nous quitter ici, on se retrouve la semaine prochaine. Sinon, si vous voulez savoir quel est ce comics purge de la semaine qui nous ferait regretter les New 52, eh bien on se retrouve juste après le générique. À bientôt pour les autres. Salut. Salut. Et on se retrouve donc après le générique pour le point Rebirth de la semaine. Vous en avez l'habitude maintenant. Et pour faire durer un petit peu le suspense, je vais commencer par le meilleur. Moi, pour la pure, je dis c'est Green Arrow. Toi, tu penses que c'est Green Arrow? Moi, et Titan. Et toi, tu penses à Titan. Titans Rebirth. Ok. Ouais. Alors, on va commencer par celui que j'ai préféré, Superman numéro 1. Ah. Superman numéro 1 par Peter Tomasi et Patrick Gleason. Un duo que j'aime bien, que Clément aime bien, c'est pas un secret. Alors, ouais. Non, je pense que tu aimes bien aussi ce tandem. Ouais. Donc, le numéro 1, $2.99 comme tous les titres d'ici, sauf All-Star Batman, on le rappelle. Coucou Scott Snyder. Voilà, bah déjà, voilà, Patrick Gleason au dessin. Il y a quelques planches et doubles planches qui sont assez spectaculaires et où on retrouve vraiment Superman et ce que doit être Superman, espèce de notion de puissance et de grandeur qu'il doit dégager. Et là, enfin voilà, il y a des planches, c'est à couper. Il y a notamment une page, une splash page avec John qui regarde son père en train de sauver, de faire quelque chose. Ça doit être... Il le regarde par la fenêtre de sa maison et il a les yeux tout humides tellement il est fier de lui, etc. Et le pouce levé, enfin, c'est... Ouais, cette planche, elle est incroyable. Elle est incroyable, elle est hyper touchante et voilà, si vous n'aimez pas le personnage de John, rien qu'avec ce dessin, vous ne pouvez que l'aimer. Et la seule phrase qui est sur cette page, c'est « My dad is Superman ». Oh, c'est top. C'est une belle, belle planche. La couverture est magnifique. C'est, je pense, la plus belle couverture de cette semaine parmi tout ce qui est sorti. La couverture, elle est incroyable. Pareil, voilà, on a Superman, quoi. C'est une couverture Superman, c'est une vraie couverture iconique, magnifique. Pour l'histoire, vous le savez, hein, le Superman New 52 est mort. On a le Superman pré-New 52 qui est revenu, mais qui vit toujours caché, hein, à la campagne, à quelques dizaines, centaines de kilomètres de Métropolis. Voilà, pour ne pas attirer trop l'attention sur lui, et surtout pour pouvoir éduquer son fils, élever son fils, un peu comme lui, il avait été élevé par les Kent, et voilà, l'inciter à user ses pouvoirs de manière parcimonieuse, etc., etc. Voilà. Il va se passer pas mal de choses, on va faire la connaissance d'une voisine. Voilà, il y a quand même pas mal d'effets miroirs par rapport à Clark quand il était dans la ferme de ses parents, voilà. Parce que John aussi va rencontrer la jeune voisine d'à côté, mais bon, est-ce que celle-ci, elle est aussi gentille et sympathique que Lana, on sait pas, vous verrez, ou pas d'ailleurs, peut-être que ça sera que dans les prochains numéros. Mais voilà, Patrick Gleason arrive à nous, enfin, Peter Tomasi arrive dans son scénario, à la manière qu'il écrit, à nous faire douter de quelque chose. Ah. Il insinue, on avait une certitude en ouvrant ce numéro, et on n'est plus sûr du tout à la fin. Bon, bah écoute. On n'est plus sûr du tout d'un truc, et ouais, c'est intéressant. C'est intéressant, j'ai envie de voir ça. Et en tout cas, c'est un vrai comics de famille. Voilà, on a une vraie, voilà, c'est Clark avec sa famille et voilà, on a vraiment ce côté-là. Superman, quoi. Ouais, Superman et non en même temps, mais voilà, c'est vraiment une histoire familiale. On retrouve Clark, on retrouve Lois, on retrouve John. Voilà, ils ont leur vie de famille. Enfin, ça fait beaucoup penser au Kent encore une fois, mais voilà, c'est hyper bien, c'est hyper beau. C'est mon préféré de la semaine. Et juste après, c'est Titan Rebirth. Ah. Désolé Clément. Titan Rebirth parce que là on retrouve, voilà, on a retrouvé la famille avec Superman et là on retrouve l'équipe et le vrai esprit d'amitié qui liait les Teen Titans de la grande époque. Et on retrouve ça. Alors certes, en utilisant un procédé le procédé est intéressant, hein, la manière dont au tout début Wally fait retrouver certains souvenirs à un personnage, c'est intéressant. Mais le problème, c'est que on a un peu l'effet Power Rangers, c'est-à-dire qu'il va utiliser le même procédé sur les 5 personnages qui arrivent les uns après les autres, etc. Et c'est répétitif. C'est un peu répétitif, c'est un peu du coup lourdingue dans la narration. Mais voilà, il y a quelque chose. Les Titans sont de retour. Voilà, leur belle équipe et la vraie amitié qui les liait à la grande époque est de retour aussi. On le sent dans les dialogues, etc. Et dans certains regards qui sont plutôt bien retranscrits. C'est par Dan Abnett et Brett Booth, au passage. D'accord. Donc voilà, Nightwing de retour en bleu. Enfin, ils ont tous un peu un nouveau costume. Et voilà. Et puis bon, alors il y a un truc par contre. Voilà, quand vous l'aurez lu, vous penserez à ce que je vais vous dire dans cette phrase. Il y a juste un truc qu'il faudra m'expliquer par rapport à la photo. Voilà, c'est tout. Je comprends pas. On voit une photo au début. On voit les Titans en fait dans leur maison prendre une photo de l'équipe. C'est une photo de groupe un peu, mais on sait que Flash va tellement vite qu'il peut poser l'appareil, prendre la photo et apparaître quand même sur l'image. Donc voilà, enfin Kid Flash à l'époque. On voit ce que cette photo est devenue avec l'altération du temps. et donc le fait qu'ils aient oublié, etc. Et on revoit cette photo à la fin et il faudra m'expliquer des choses. Je comprends pas. Je comprends pas comment retrouver des souvenirs, ça peut avoir cet impact-là, mais bon, ok. On passe à Green Arrow. C'est Batman le pire. On passe à Green Arrow de Ben Percy et Otto Schmidt. Otto Schmidt, c'est une tuerie au dessin. C'est super beau là encore. Tu me demandais la dernière fois si Ben Percy allait réutiliser les personnages de Jeff Lemire. Je te dis oui avec ce numéro 1. Je te dis un grand oui. Et je te dis qu'on peut être surpris. Voilà, ils sont là, elles sont là surtout. La relation entre Oliver et Dina continue à se mettre en place. Juste parfois, on n'arrive pas trop à savoir ce qui est présent et ce qui est passé. A priori, tout est dans le présent, mais il y a des fois, on a l'impression qu'on fait un petit retour en arrière, mais c'est pas dit. Donc, je pense que c'est parce que tout est dans le présent. Voilà, un tandem qui est plutôt efficace sur les scènes d'action. Les scènes d'action sont bien dessinées. Voilà, les choses continuent à se mettre en place du côté de Green Arrow, et ma foi, c'est plutôt sympa. Et il n'en reste plus que deux. Batman le pire. Il en reste plus deux et on va passer à Green Lanterns. Ah putain, j'ai gagné. De Sam Humphries au scénario et juste le dessin, c'est Robson Roca. Quelque chose de classique. Voilà, Jessica Simon Bass collabore, mène une enquête par rapport à une maison dans la cave de laquelle, en dessous de laquelle, ils vont trouver un espèce de d'alien mort, explosé, avec ce qui semble être un symbole des Red Lanterns. Voilà. Enfin, il semble être cloué avec des choses qui ont le symbole des Red Lanterns. Et puis, en dessous de lui, il y a une espèce de grand trou avec des dizaines et des dizaines de cadavres, une espèce de charnier. Alors, humain, a priori, voilà. Ils vont mener l'enquête autour de ça. Simon Baz va avoir un nouveau pouvoir qui peut être intéressant. Ça révolutionne pas les Green Lanterns, mais on est plutôt bien parti. Voilà, allez, il y a des choses intrigantes. Et maintenant, on va parler de Batman numéro 1. De Tom King et David Finch. Donc, c'est David Finch qui est au dessin pour ce numéro 1. Je sais pas si vous voyez la couverture. Ouais. Avec Batman en avant, avec Gordon, avec Duke Thomas, avec les deux personnages, fameux nouveaux personnages qui nous avaient été annoncés. On le sait d'après les sollicitations, on connaît leur nom. Donc je vous les donnerai quand je donnerai mon avis. Et puis voilà, on voit la ville derrière, etc. Et moi, cette cover, elle me rendait mal. Enfin, je savais pas pourquoi j'étais pas bien en voyant cette couverture. Tout simplement parce qu'elle est complètement déséquilibrée. Tous les personnages sont sur la gauche et il y a du vide sur la droite. Oui. Sur cette cover. Et du coup, c'est pour ça que je n'aimais pas ce truc. Parce que je me disais, mais il y a un problème, cette couverture, elle va pas, elle fonctionne pas. Bah oui, il y a Batman au centre, tous les personnages à gauche, et il y a du vide sur la droite. Bah, du vide, c'est peut-être pour l'intérêt qu'on va avoir pour Batman après avoir lu ce numéro. À ce point-là. Voilà. Non, mais voilà, enfin, Là, franchement, j'ai presque envie de le spoiler, parce que franchement, c'est naze. La première page, je l'ai trouvée assez intéressante, super bien. Il y a un jeune mec ou jeune fille, je sais pas trop. Enfin, c'est un peu, on n'arrive pas forcément trop à le savoir. Et puis c'est un personnage qui ne parle pas, qui est dans un avion, qui entame sa descente sur Gotham. Et là, je me dis, ah sympa, le clin d'œil à Year One avec Gordon qui arrive sur Gotham en avion au tout début de Year One, etc. 2000 heures. Pas mal. Sur la fiche, ce qui se passe avec l'avion. Pas mal. Ouais, on voit son. Non, bah tu vois sur pas tout ce qui se passe avec l'avion sur la cover. Et puis après on a Batman et Gordon sur le toit, etc. Pas mal. Et là on voit cet avion justement qui arrive, là, l'avion qu'on voit sous la couverture, qui avec le train en feu, etc. Et là, Batman se lance dans une opération pour empêcher l'avion de se cracher au milieu de la ville. Hein ? Quoi ? Parce que l'avion a été percuté par un missile. On le sait dès les premières pages, c'est dans les previews. L'avion a été percuté par un missile lancé depuis un toit de Gotham et perd de l'altitude et va s'écraser sur la ville. Il va s'écraser dans un endroit très fréquenté parce qu'on est samedi soir et il y a des centaines de milliers de personnes qui peuvent perdre la vie. Voilà, on est dans un vrai scénario catastrophe. Ouais. Et donc Batman doit se lancer dans une mission sauvetage et alors là, on part dans le n'importe quoi le plus total. Ah oui ? Pour empêcher un avion de se crasher, eh bien Batman va faire du rodéo dessus. Ouais. Ah non mais c'est. Moi je vous le spoil parce que franchement c'est ridicule. Enfin c'est. Chaque page était plus improbable et plus. Enfin voilà, ça provoquait plus de facepalm de ma part que la précédente quoi. C'était incroyable. Est-ce que ça t'a fait regretter Snyder? Mais presque. Non mais le mec est sur un avion en train de se crasher, un avion en vol. Il est debout sur l'avion avec une espèce de corde. Alors, on ne sait pas si avec la corde, il essaye de diriger l'avion ou quoi, parce qu'il a placé deux espèces de réacteurs, parce qu'il a quand même réussi à se balader sur l'avion. Il se balade sur l'avion comme si de rien n'était. Un avion en flammes qui tombe sur une ville. Il se balade sur les ailes. Il va poser un espèce de réacteur sous chaque aile. Et puis là, il demande à Alfred d'ajuster la puissance pour que l'avion pivote sur la gauche, sur la droite, pour éviter des buildings, machin, tout ça. Et lui, pendant ce temps, il est debout sur cette putain d'avion, tenu par une corde, juste une petite corde qui tient à bout de bras, un avion. Donc ça va quand même un peu vite, un avion qui est en train de s'écraser. Donc voilà. Comme si on n'en avait pas assez, Batman comprend qu'il va mourir, et demande à Alfred si ses parents seraient fiers de lui et si c'était une belle mort. What? Et Alfred lui dit, mais bien sûr, Master Bruce, il serait super fier de vous, comme moi je suis fier de vous, comme j'ai toujours été fier de vous, etc. Enfin, il parle dans un discours absolument ridicule. Évidemment, l'avion ne s'écrase pas, puisqu'on a ces deux personnages, c'est les deux seuls qu'on n'avait pas encore vus, les deux personnages. Parce que tout ce qu'on voit sur la cover, on le voit dans le comics. Hein. Là, pour le coup, c'est pas une couverture mensongère. Et on a donc ces deux personnages qui s'appellent Gotham et Gotham Girl. Gotham Girl. Oh non, non, ils sont sérieux. Gotham Girl, s'il vous plaît, quoi. Oh mon Dieu. Bref, Gotham et Gotham Girl qui redressent l'avion et le mettent dans le fleuve, etc. Du coup, l'avion est posé sur l'eau et voilà, tout va bien, etc. Voilà. Et sur la dernière page, les deux personnages se présentent. I am Gotham, she is Gotham Girl. This is our city. We are here to save it. Voilà. Ok, bah oui. C'est ridicule. C'est ridicule. Enfin, j'avais l'impression de voir Bruce Willis sous le costume de Batman et qu'on était parti à la plus belle heure du piège de cristal et des choses comme ça. Quoi. Non, mais c'est pas lamentable. C'est complètement improbable. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Enfin, là, je t'avoue que de ce que je l'ai pas encore lu, je vais quand même lire, hein, par curiosité. Là, je vous ai raconté tout le numéro, hein, je vous avoue, hein, parce que voilà. Non, mais en fait. Ça m'a tellement mis en colère que franchement, ça mérite. Enfin, je vais le lire quand même pour voir. Oui, parce qu'il y a quand même quelques petits dialogues savoureux, hein. Je vous ai quand même fait des petits cadeaux en ne vous disant pas tout ce qui est dit. Voilà. Il y a des choses qui, dans les dialogues, qui sont encore pires, notamment, enfin, voilà. Il y a une page, voilà. La mention spéciale au siège éjectable, vous comprendrez en lisant, c'est pour ceux qui vont le lire. J'ai peur. C'est incroyable. Non, franchement, je vais le lire parce que voilà, je l'ai commandé, je vais quand même le lire pour me faire mon avis. Maintenant, de ce que tu me dis, j'ai envie de dire, mais c'est pas là, Batman. Là, moi, après avoir lu ça, je suis pas sûr de prendre la numéro 2. Hein. Tu m'étonnes. Et ce serait quand même incroyable que le premier titre que j'abandonne dans Rebirth, ce soit Batman. Ouais. Ça serait cool. Ça serait quand même. Un film de dingue. Et on parle de Tom King, le mec qui écrit Vision, le mec qui a écrit Omega Men, Grayson, et qui nous pond cette horreur. Mais c'est ridicule. Il est ridicule, ce Gonix. Est-ce que après. Peut-être que le numéro 2 sera meilleur. Mais je sais pas. Mais comment il peut être meilleur, oui, à partir du moment où dans le premier numéro, il sauve en avion en faisant du rodé au-dessus, quoi. Il y a quand même un problème. Gotham et Gotham Girl. Encore Gotham. Ça me choque pas trop. Ouais, qui s'appelle Gotham, bon. Mais alors Gotham Girl. Non, mais Gotham Girl. Et en plus, voilà, Gotham Girl, on est dans le cliché au plus haut. Et la meuf, elle est même pas capable de dire son nom elle-même. C'est lui qui le dit à sa place. Oui. Ouais. C'est une conne. Elle est pas capable de se présenter. Visiblement, c'est une blonde. Bah oui, elle est blonde, oui. En plus. Mais voilà quoi. Non, mais c'est très drôle parce que. Pendant que tu disais ce que tu penses, je suis en train de lire une review sur Internet, après je regarde dans les commentaires et t'en as beaucoup en fait qui ont aimé. C'est ça. Non, mais ça m'étonne pas parce qu'on sort de Snyder, parce que là on a quelque chose qui est quand même radicalement différent. Après c'est vrai que si. Qui est blockbuster, qui est grand spectacle, oui, voilà. Etc. Peut-être que toi tu n'accroches pas à cette vision-là. Enfin voilà, maintenant voilà, moi je l'ai lu là juste quelques minutes avant d'enregistrer le podcast, donc je n'ai lu ni écouté ni aucun avis, donc maintenant je vais aller faire le tour et je vais aller voir un peu ce que les gens en pensent parce que vraiment je. Mais franchement, je suis en train de voir les. Je suis en train de regarder vite fait quelques avis. Et on a beaucoup qui ont l'air d'aimer, quoi. Oui, c'est possible, parce que c'est vraiment très différent de ce que j'ai. Ah bah oui, parce que Snyder, c'était quand même qui était très. Mais non. Sérieux. Alors, Évidemment, il y a deux questions que je me pose, qui vont faire peut-être que je vais revenir effectivement et que je vais persister quand même le premier arc. C'est qui est ce jeune garçon ou cette jeune fille qu'on nous présente dans l'avion au tout départ et qu'on revoit après plusieurs fois, regarder par la fenêtre de l'avion, regarder Batman faire son petit numéro d'équilibriste. Voilà, on revoit quand même plusieurs fois ce visage. Et donc c'est forcément quelqu'un qui va être important. Donc j'aimerais bien savoir. Voilà, ça m'intéresse. Et il y a une autre phrase d'un personnage sur un toit de Gotham qui dit quelque chose qui pourrait peut-être nous faire penser au DC Universe Rebirth numéro 1. Voilà. Ouais. Quelque chose qui parle d'horloge. Mais c'est tout, quoi. Ouais. Bah, après, ouais, c'est vrai que de ce que tu dis, ça me donne pas envie. Moi, je suis hyper déçu. Hein. Franchement, je suis hyper déçu. Je m'attendais à un truc plein de finesse, bien écrit. Ouais, ouais. Après, c'est dommage. Je regarde les critiques américaines et genre Newsrama 7 sur 10. Ouais, IGN, c'est ça. 8 sur 10. Ah, oh, bah là, mais écoute, voilà, j'ai pas le même avis que la masse, visiblement. Ça peut se comprendre. Après, moi, j'aimais bien le pitch de départ, quoi. Que ce soit des personnes qui disent on va sauver notre city parce que. Pourquoi pas, puisque c'est intéressant. C'est intéressant, quoi. Il y a aussi quelque chose d'intrigant, c'est que ce Gotham et cette Gotham Girl, ils ont un logo qui a la même forme que celui de Superman, avec le G, mais écrit en gothique, parce qu'on est à Gotham, peut-être. Je ne sais pas. Enfin, voilà, il y a quelque chose aussi qui est intriguant vis-à-vis de pourquoi cette forme-là. Ouais. Ça a peut-être un sens aussi qu'ils aient la forme du logo de Superman. Il y a peut-être un lien, on ne sait pas. Et du coup, parce qu'ils ont que c'est quand même deux personnages, voilà, avec des pouvoirs. Hein. Ils arrivent quand même à redresser un avion en se plaçant dessous. Donc, mais non, quoi. Peut-être un lien avec le Superman asiatique et comment il a ses pouvoirs. Peut-être. Et puis cette Superwoman, comment elle a ses pouvoirs. Peut-être que c'est des personnages qui étaient là à ce moment-là et qui ont aussi reçu des pouvoirs. Je ne sais pas. Non. Alors le clin d'œil à Iron Man, sympa. Le personnage intrigant dans l'avion, etc. Ok. Mais ce rodéo sur l'avion, mais non. Bref, voilà. Sinon, juste pour quand même finir sur une touche positive, I Hate Fairyland est revenu cette semaine en VO. Mercredi, le numéro 6 est sorti. Nouvel arc de Scotty Young qui prend suite directe de ce qui s'est passé à la fin du numéro 5, qui était quand même hyper surprenant. Alors ça, faut le lire. Voilà. C'est magnifique. Et donc, on a 20 pages de... On a 20 pages pour exulter, quoi. Chaque page, à chaque page, on peut exulter. Ah, mais de toute manière, enfin, moi, je l'ai pas encore lu parce qu'il vient de sortir. Mais, enfin, clairement, moi, je me suis fendu la gueule durant tout le long du premier arc. Le deuxième arc, voilà, ce numéro, voilà, est incroyable. Et en plus, enfin, voilà. Bah, déjà, la fin, franchement, la fin du premier arc. La fin de ce numéro 6, elle est tellement inattendue quand on connaît l'écriture des comics modernes, etc. Et qu'on fait, ah, putain, c'est un peu rafraîchissant. Et puis, on a toute cette lettre d'une page à la fin, parce que Scotty Young nous fait une lettre à la fin, toujours. Où il nous explique un petit peu ce qu'il vient de faire, pourquoi il l'a fait, etc. Et voilà. Et sachez juste que pendant quand même sur la moitié de cette page, il nous parle de The Good Wife. Ah, rien pour ça, je vais le lire. Il dit yes, I just good wifed you. Voilà. Et vous comprendrez pourquoi. Et effectivement, quand il nous dit pourquoi, il dit qu'il nous a good wifé. Bah ouais, carrément. Carrément. Bah, je sais pas. Moi, je connais pas. Après, franchement, déjà ça a démarré, on va dire, crescendo, et plus t'as avancé dans le titre, plus c'est devenu du what's up total. Là, ce numéro 20, du coup, il est... voilà. Très intéressant. J'ai un peu hâte, parce que, franchement, enfin, clairement, I Hate Fairyland et moi, et Dee Sander, c'est clairement les deux titres. C'est un des seuls comics où je prends autant de plaisir à lire le message de l'auteur à la fin que le comics en lui-même. Je t'avoue que j'ai la flemme de lire. Ah, mais tu passes à côté, à mon avis, de la moitié du truc parce qu'il est à mourir de rire. D'accord. Et il te place des petites références. Donc là, c'est beaucoup de Good Wife cette semaine et c'est. Si tu veux, enfin, pour moi, si tu veux lire un comics où tu te fends la gueule, quoi, c'est, faut lire celui-là, quoi. Ce que je veux dire, c'est, enfin, t'as toujours des pas. Déjà, bon, visuellement, c'est juste du Scotty Young tout craché. Mais puis c'est surtout poilant, quoi. C'est pas prise de tête. Et beaucoup, beaucoup de références geek. Dans ce numéro encore plus que d'habitude. Ouais, mais il y en a pas mal. C'est marrant de voir comment il y a des références forcément à Alice au Pays des Merveilles. Le titre de cet épisode, ça spoil rien, hein, le titre de cet épisode, c'est Girth of Thrones. Ça promet, parce que déjà que la fin... Bon, j'avais pas prévu de vous en parler, mais vraiment, c'est un coup de cœur cette semaine, au même titre que le Superman, donc voilà. Et que le Titans, malgré tout. Hein. Descender est à recommencer, non, je crois. Oui, Descender a recommencé, mais Descender, est-ce qu'il y a un numéro qui est moins bon que l'autre? Non. Et c'est ça, moi j'essaye de réfléchir, Et en fait. Defender, c'était le numéro 12 hein, qui est sorti mercredi. Voilà, donc, ouais, il y a eu une pause pendant 2-3 mois, toujours, c'est ça ? Toujours, comme la plupart des séries Image maintenant. Oui, et bien sûr, hein, Defender, ça a continué parce que l'émir pose un univers et c'est de ouais, plus en plus surprenant. Et puis c'est aussi à continuer après avoir lu ce numéro 12, évidemment. Ouais, allez, bah déjà, le. On était censé parler que des 5 numéros ouais. Rebirth, hein, on va pas faire une deuxième émission après le générique, même si c'est intéressant de parler des dernières sorties. Quand même, on se retrouve maintenant, cette fois, la semaine prochaine, pour le mag numéro 50, et dans la semaine, pour la fin de la trilogie du bonheur, Gotham saison 2. Allez, ciao. Ciao. Salut.